bonjour, c'est Progapart, l'émission du rock progressif, la dernière de la saison avec l'ami Jean-Louis. Et oui, il est pas derrière le poste, prêt à enregistrer. Il est avec nous devant le micro. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Thierry. Tu nous as appelé, tu nous as apporté des belles choses, je crois. Oui, je vous ai apporté des bonbons, un petit Yang et puis un petit magma. Très bien. On démarre tout de suite avec une nouveauté des Canadiens, Québécois pour être précis. Red Sand, le sable rouge. C'est un groupe que j'aime particulièrement, très très proche de Marillion et Epochefish. Et là, ça se sent énormément à la fois dans l'inspiration et dans la musique. Leur nouvel opus, Behind the Mask, derrière le masque. Tout de suite, Red Sand. Thank you. Alors Jean-Louis, qu'est-ce que t'en penses? T'as l'air de, t'avais l'air de craquer, hein. Oui, c'est, on est bien parti là pour la soirée. Ah, ça va peut-être un petit peu redescendre malheureusement. Silhouette, deuxième album ce soir. Silhouette, c'est leur troisième CD. Ils viennent des Pays-Bas et cet album s'intitule Across the Rubicon, allusion donc à César qui a franchi le Rubicon. Et avant donc Red Sand, Behind the Mask, derrière le masque. On descend un petit peu au niveau de la qualité, mais c'est quand même bien audible. Xanadu, malgré ce nom, c'est des Polonais qui ont signé sur le label Prog Rock Records, qui est un label américain. Voici The Last Sunrise, le dernier lever de soleil, la dernière aube. Xanadu, tout de suite sur Prog à part, l'émission du rock progressif. We'll be right back. Une belle balade par ce jeune groupe hongrois Everwood, un album qui s'intitule Without Saving, toujours sur le même label Prog Rock Records. J'entends mon ami Andy qui me corrige. Records, Thierry. Everwood Without Saving. Crystal Phonics, c'est, comme son nom l'indique, pas un groupe italien. Ils ont fait un premier album en 89 qui vient d'être réédité par Black Widow, ce label bien sympathique de Gênes. Et voilà, je vous propose tout de suite un extrait de ce Crystal Phonics qui a pour titre Crystal Phonics. Thank you. is three: love, devotion, and surrender. Alors Jean-Louis, qu'est-ce que tu penses de ce petit Cosmoratique? Des petits airs de Pink Floyd à la fin. Ouais, complètement. Un titre de l'album Gravitation. Cosmoratic, ils sont norvégiens, ça vient tout juste de sortir. Je te propose de sauter de la péninsule scandinave pour aller chez nos amis cousins grands-bretons avec Doris Brendel et Lee Dunham. Not Utopia, un superbe album au niveau déjà de la pochette, et tu verras que c'est sympa, c'est très frais. Tout de suite donc, Doris Brendel, Lee Dunham, Not Utopia. commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Sol, 100.7. Eccentric Jones, un nouveau groupe, mais pas si nouveau que ça. Si je vous dis Chris Fournier, les plus vieux de la vieille vont me dire Fonia. Eh ben oui, gagné. Le musicien américain est de retour avec un nouveau projet. Premier album intitulé The Antikythera Method. Je recommence tout doucement. The Antikythera Method, la méthode Antikythera. Voilà, c'est américain, ça date de 2012, Centric Jones. Et avant, la belle dame qui vous a chanté un superbe morceau extrait de son album Panic Room, eh bien cette belle dame s'appelle Skin, comme la peau, Skin, S-K-I-N, Panic Room, c'est anglais, c'est également de 2012, Skin et Centric Jones. Un morceau de choix qui arrive maintenant avec les Norvégiens de Seid, ou Side si vous préférez. C'est un groupe que j'ai toujours beaucoup apprécié. C'est un groupe très inventif, à la fois proche de d'Oakwind, mais aussi de, du courant Anglagard, donc tout le côté sombre du prog scandinave. Les voilà de retour, donc les Seid, s'écrit S-E-I-D, avec un Magic Hand Shake, Magic Hand Shake. Ça, c'est leur troisième opus, Magic Hand Shake. Tout de suite, Seid sur le 100.7. Et c'est bien sûr Prog à part, l'émission du rock progressif. accompagné avec le Mélotron, qui vient de donner un côté encore plus sombre à cette musique. Oui. J'achète. Said, S-E-I-D, Said Magic Handshake. Nouveauté 2012. Oui. Alors, toi, tu nous as apporté des petites choses. Une autre nouveauté 2012, une nouveauté qui est sortie il y a 15 jours. Ah, j'ai oublié, excuse-moi, Said sur Black Widow. Ok. Vas-y. Donc, moi, c'est une nouveauté sur Seventh Record. Oui. Donc, on va rester un peu dans la même veine, c'est-à-dire musique un peu répétitive. Hein, Queen, Magma, il y a beaucoup de thèmes répétitifs. Donc, je vais vous proposer le dernier Magma, Felicitateus. C'est un album court. Il y a un morceau qui fait 28 minutes et un morceau qui fait 4 minutes, donc très court, hein, mais c'est un bijou. Je peux dire, sans me tromper, que c'est peut-être la première fois qu'on peut donner à écouter ce genre de disque à quelqu'un qui ne connaît pas Magma et qui ne va pas partir en courant. C'est Félicité. Donc Félicité, c'est bien le mot qui revient quand on écoute cet album. C'est un album tout empreint de félicité. Donc on va vous passer un petit extrait final qui s'appelle Eust. Et vous allez voir, c'est du Magma, musique Zeul, quelque chose de très particulier, mais là je pense qu'on facilement écoutable. Magma, Eust. I can't. Magma, un final avec des voix tibétaines. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Impressionnant. C'est pas tellement ma tasse de thé, Magma, mais j'avoue que c'est impressionnant. Hein. Bon, ouais. Je les ai vus deux fois en concert, je suis ressorti ébloui, même si je dis c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais respect, quoi. Et là, effectivement, c'est très abordable, effectivement. Ouais. Et encore là, on est dans un morceau un peu endiablé. Il y a un morceau en particulier qui est du piano solo. Donc c'est un album qui est facilement écoutable par des gens qui ne sont pas branchés Magma, c'est pour une fois. Donc, ils chantent toujours en cobaya ? Ils chantent aussi un peu en français dans cet album. D'accord. Donc là, c'était du cobayen, bien sûr. Mais là, ils chantent en français aussi. C'est nouveau. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus chanté en français. Donc, faut rappeler que c'est quand même une star à l'étranger. Un batteur extraordinaire. Et Magma est connu à l'étranger comme le groupe français de référence. Hein. Le chant du départ sur le piano, c'est Christian Vander, parce qu'il chante aussi. Ouais. Je suis étonné, il a une belle voix, hein, j'aurais pas pensé. Une voix fantastique. Ouais, c'est vrai. Et quand il joue de la batterie, quand il chante, il est ailleurs. On va passer maintenant sur une chose beaucoup plus conventionnelle, même si c'est extraordinaire aussi. Oui. Dans l'émission, c'est Young. Young, c'est un groupe français dont le premier guitariste est Frédéric Lépée. J. Shylock, tout de suite. Frédéric Lépée, Shylock, bien sûr. Mon groupe, je vais dire, avec Magma, peut-être, un de mes groupes que j'ai toujours écouté depuis tout le temps. Et vu il y a un mois et demi. Je me suis procuré auprès de la Mousséa les deux albums de Shylock. Et c'est une grande claque. Hein. Oui, ça fait 35 ans que j'écoute. J'écoute toujours, j'ai toujours écouté. Et donc là, Young, c'est un groupe de Frédéric Lépée, donc entièrement instrumental aussi. Inspiration Crimson. L'album qu'on va vous faire écouter, c'est un album de 2009. Donc pas tout à fait nouveau, mais que j'ai récupéré au Proc Sud auprès de Frédéric Lépée. Il y a deux guitaristes, un batteur, un bassiste. Le deuxième guitariste, c'est un jeune qui joue aussi dans Shylock et qui joue la basse. Donc c'est Laurent James. Et donc on va vous passer l'album s'appelle Machine et on va vous passer le morceau qui s'appelle Le Procès. Et vous allez voir, c'est de la haute voltige guitaresque. Ok, tout de suite Young sur Prog à part l'émission du rock progressif, bien sûr. We'll be right back. promised that we were going to do some songs we've never played before, and My Revenge in Seattle was one. And this is the second, and it's not only never been played before, it's not been released. It's a track that was written in the very, very early days of No Man in 1987, and it's called Beaten by Love. No Man. That is the sound of a childhood in Warrington. This next track is something entirely different. I'm back. Voilà, après un petit No Man's bien sympathique, un double album, enfin en fait un disque doublé d'un DVD qui s'intitule Love and Endings. C'est britannique, c'est du live. No Man's, bon, ben, c'est essentiellement Tim Bowness and Steve Wilson de Porcupine Tree. Voilà, c'est une nouveauté de chez Esotérique. On a écouté une petite formation bien sympatoche polonaise qui s'intitule Minerals, les minéraux, avec un son très très YouTube et matiné un petit peu de prog, bien foutu, bien ficelé. Voilà, ben c'est comme ça qu'on va terminer, que l'on va terminer cette édition du mois de juin, n'est-ce pas Jean-Louis ? En juillet et en août, eh bien nous serons sur la plage à nous faire bronzer, en écoutant de la bonne musique, histoire de pas bronzer idiot, et en lisant quelques bons bouquins de science-fiction et quelques polars, n'est-ce pas Jean-Louis ? Et on vous donne rendez-vous le 17 septembre. Alors 17 septembre, c'est pas la période habituel, puisque le 24 nous ne serons pas là. 24 septembre, c'est un lundi aussi, et le 24 septembre, on reviendra tout juste du Festival de York. À toi Jean-Louis. Oui, alors au Festival de York qui va se passer à côté de York, je ne sais plus quel patelin, hein, le 21, 22 et 23 septembre. Est-ce que tu connais le programme exact, Thierry ? C'est ce que tu as sur l'affiche un petit peu modifiée, c'est-à-dire que Silver Lining ne passe plus en formation complète, mais c'est un simple trio acoustique qui passera le samedi soir en ouverture de CIS. Alors CIS, on peut expliquer ce que c'est. C'est un groupe britannique qui fait des reprises de Yes, un tribute band. J'ai pu écouter ça sur YouTube et ça tient vraiment, vraiment, vraiment la route, quoi. Donc le trio, tu peux nous en dire un peu plus sur le trio? Eh bien, un trio, c'est en fait un mélange assez savoureux de Silver et de Yam Tampous. Silver, eh bien, Nicolas Mourachko à la guitare, votre humble serviteur aux voix, percus et flûtes et autres effets spéciaux. Et Yam Tampous, eh bien, c'est Yvan qui est le claviériste de ce side project de Nicolas qu'on a pu découvrir à Villefranche, notamment à Villefranche-sur-Saône en concert. Un groupe, un jeune groupe lyonnais qui va sortir un album très très bientôt que j'affectionne particulièrement. C'est Camel. Entre Camel et Caravan, donc un petit côté Canterbury bien agréable, des guitares fluides, des claviers son vintage. Bon, il n'y a pas de flûte, mais sinon le reste c'est effectivement très très proche de ce courant. Et au niveau rythmique, il y aura quelque chose? Alors justement, on a eu la proposition très sympathique de nos amis Grand Breton, donc de CIS, de nous accompagner. Donc on aura le bassiste de CIS et le batteur de CIS. Ça va être un beau moment, je pense. Ben, en tout cas, on l'espère, on fait tout pour. Voilà, pour nous remplacer, eh bien, Tim Hunter, qui est l'âme pensante du festival, va faire un show, je crois, guitare acoustique, chant, etc. Et il a également invité, toute dernière minute, un combo, je crois que c'est un trio, trompette, basse, batterie, pour jouer ce soir-là. Et enfin, le troisième soir, le dimanche soir, tu nous annonces Manning, donc Guy Manning. Donc là, je pense que ça va être éblouissant. J'ai passé plusieurs fois des disques de cette formation assez proches, on pourrait dire, de Jethro Tull. Hein. Encore de la flûte. Voilà, et c'est un groupe du coin avec 5 ou 6 disques au moins dans le CV, quoi. Tout ça dans une belle ville. Oui. Que je ne connais pas. Mais alors c'est indiqué sur la fiche que tu as sous les yeux. C'est Knaresborough, c'est ça ? Knaresborough, oui. Voilà, Knaresborough, donc le K se prononce pas. Donc c'est vraiment la grande banlieue de York. York, pour situer, c'est à mi-chemin entre Édimbourg et Londres. Voilà. Hein, c'est le, j'ai pas peur de le dire, c'est le Avignon britannique. Hein. C'est aussi beau qu'Avignon, avec des remparts, cité médiévale, une superbe cathédrale, donc dans le Yorkshire. Ok. Sans les poudings. On y sera, hein, je crois qu'il y a un paquet de Lyonnais qui vont se déplacer. Enfin, moi, j'y serai toujours. Eh ben, c'est vraiment, on sera ravis d'aller fêter ce petit festival dont c'est la deuxième édition. Une grosse surprise, mais on vous le dira après. Oui, oui, oui. Et j'essaierai de filmer. Une grosse surprise, effectivement, mais comme dit l'autre, on ne dit rien. Voilà. Sinon, un ange passe. Voilà. Voilà, ben bah écoutez, vous savez tout presque. Si, ben bah, entre-temps, Acid Dragon sera sorti, donc avec une belle pochette, j'allais dire, mais c'est ça, un joli sommaire. De mémoire, mes neurones sont un peu fatigués, mais de mémoire, interview de Kayak, interview de Shylock, interview de Steve Hackett, interview de Alain Chiarazzo, Éclat et Proc Sud, interview des Pretty Things. Ça, là, j'en suis vraiment fier, hein, grâce à notre ami Phil Jackson. Et je sens que Michel, qui a appelé tout à l'heure, doit vibrer de l'autre côté de son poste. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a vraiment que des belles choses. 64 pages, et puis là, évidemment, compte-rendu du Proc Sud. 64 pages, un disque sampler qui est offert à nos abonnés. Tout ça pour la modique somme de 3 euros. Je veux dire, moins cher, tu meurs. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, et puis chronique de disques et autres nouveautés. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, On annonce peut-être Australian Pink Floyd. On en parlait tout à l'heure. Ah oui, Australian Pink Floyd, le 25 juillet. Alors le 25 juillet, ça, oui, où ça? À Vienne, au Théâtre Antique. Le Théâtre Antique de Vienne. Voilà, un tribute band à Pink Floyd. Je pense que ça doit être pas mal. En tout cas, comme on disait tout à l'heure, ne serait-ce que par la beauté du cadre, ça va donner. Ça me rappelle, moi, des concerts quand j'étais jeune. Ça va faire penser à Pink Floyd à Pompéi. Oui, par exemple, ou les concerts qu'il y avait à Orange quand j'étais gamin, que j'ai raté d'ailleurs, que malheureusement, j'étais encore trop petit, mais je me souviens qu'il y avait eu Procol Harum qui avait joué notamment au Théâtre Romain d'Orange. Ça devait donner. Anything else? Yes. Bon, bah écoutez, on vous souhaite happy summer, de bonnes vacances, et tenez tati, et surtout de bronzer pas idiot. Bye bye. C'était Prog à part, l'émission du rock progressif, présentée, animée, conçue par Thierry Sportouche, avec l'aimable participation de Jean-Louis Delacruz. Les couleurs étaient par Deluxe, bien sûr, comme d'habitude. Les décors par Roger Hart, et les costumes par Donald Cardwell. Comprenne qui pourra.